Salut. Monologue de Grenoble, c'est le dernier de l'année. Ce soir, j'aurais dû faire l'émission avec Ben, mais il a eu un empêchement. Je vais passer les musiques 8-bit, musique de jeux vidéo, pour la première partie, je vais pas trop parler. Et je passerai le LP de City Band, qui est sorti récemment là, sur Bruit Direct Disc. Je le passerai en entier dans la demi-heure qui reste ou quand j'aurai passé tous les morceaux. Allez, on va commencer avec un morceau de 505 sur Atari STE. Shredder. We'll be right back. 5 avec Hybrid, toujours sur Atari ST. On passe avec AMJ sur Commodore 64. Attention. We'll be right back. AMJ. By Rapers and Sound Minds. Track number 2 sur Commodore 64. Je crois que c'est le nom du chip 6558. 658-1-R4. Ensuite, on va passer à Ben Daglish sur Amstrad CPC et Commodore 64. Ben Daglish, assez connu. The Last Ninja. Ensuite, on passera sur Rob Hubbard, la star. Avant ça, on va écouter Hate, H-A-T-E, sur Amstrad CPC de Ben Daglish. We'll be right back. Dark Fusion sur Spectrum 48K. Écoutez-moi ce morceau, écoutez-le bien. We'll be right back. On a écouté Rainbow Dragon sur Commodore 64. Là c'est Death Wish 3. Ensuite il y aura The Last Ninja, The Dungeon's Loader. Donc c'est le nom du niveau, j'imagine. Puis Skate. Puis on passe sur Rob Hubbard. Rob Hubbard, bah, en fait c'est des morceaux beaucoup plus longs. C'est plutôt des jeux, enfin en tout cas sur Commodore 64, des jeux avec une seule musique pour tout le jeu. Donc, du coup les morceaux sont plus longs, ils font 6 minutes, par exemple 5 minutes, 5 minutes 30. À part le prochain, la Skate or Die, c'est l'intro. Voilà, ensuite on aura le... Enfin, je reviens, je reparlerai. Merci pour votre écoute. We'll be right back. Thank you. Yes, les monologues de Grenoble. Hop. On a fini la première section, donc c'était principalement des morceaux de Rob Hubbard. On a eu Skate or Die, l'intro. Ensuite Jet Set Willy sur Atari XL, Sanction Loader, Monkey on the Run. Super morceau. Et là, c'est la bande son de fin, il me semble, de Monty on the Run, How Be There Zay and Monty sur Commodore 64. Voilà, on va passer sur le disque City Band. City Band est un groupe parisien dont Nate Davis, qui était là la semaine dernière, fait partie, ainsi que Jean-Charles Delarue et deux autres personnes. Voilà, on va écouter ça, c'est instrumental mais il y a de la voix, c'est sorti sur Bruit Direct, c'est pour fêter la sortie de ce disque avec une très belle pochette de Hendrik Aigret et de Jean Agassi, enregistrée en 2017 à Aubervilliers. Voilà, on va écouter la face A puis la face B jusqu'à la demi-heure. Merci à tous, j'espère que ça marche. Direct, non, ah si c'est bon. Thank you. quatre chemins. Quatre chemins. Thank you. La symétrie des fruits, le bruit des pots à deux, le felouche amoureux qui fuit des cadences sur ses idées sans tête, un sombre voluptueux accompagné d'un traître, séparation en deux. La symétrie des fruits. Toujours les monologues, le monologue de Grenoble, très beau disque de City Band. Merci à tous, c'est la dernière de l'année. On se retrouve en 2021. Inch'Allah sera une meilleure année. Et puis voilà, je vous laisse avec City Band. Merci Nico Harbert, Ned Davis, Ned Flanger, Pierre Liénard, tous les gens qui sont venus à l'émission, Denis Morin, Binari, Digit, Fanny, Lolaigne, Lily Renaud de War qui est venue à cette émission également. Qui d'autre est venu? Cristal Géométrie. Tristan, Boubou, bon, la liste est longue. Voilà, à l'année prochaine. Bise. Bisous. Thank you. by mirror. Our trésor, surrounded by mirror.